Mais pourquoi vous massacrez l'hymne à nous là? Quoi ça, c'est toi qui pédale, c'est notre hymne. C'est qui le boire de poule qui a fait ça là? Oh, c'est un tchèque. Tchèque, c'est quoi ça? Tchèque l'onil? Ah, mais non, Pia, pas Tchèque l'onil là, un tchèque, un mec tchoc. Ah ouais. Bon, allez, maintenant on refait, mais on refait bien. La Calédonie, c'est le pays à nous. Plus communément surnommé le caillou. Peuple Kanaki, le respect revendique. Pas comme les oreilles qui viennent que pour le fric. Eh, viens faire la coutume si tu veux être mon frère. N'oublie pas la bière, les Johnny Walker. Moi c'est péter l'eau, c'est heureux, vivre là. Et si t'es pas content, moi c'est péter tes bras. Hey mec, Glen Cornaille, c'est mon nom. Carnage de quatrième génération. Pour les vieux oreilles qui veulent feinter nos vieilles. Ben l'enculé, tu vas taper ta pine. Moi, Hubert Félix de La Roche-sur-Yon, vous vous méprenez sur mes intentions. Je ne suis pas là rien que pour l'oseille, mais je... Ferme un coup ta gueule, enculé de s'oreille. Voyons, je devais nos frères. Et l'enculé, se disputer, c'est pas la solution. Arrêtons de taper la ouère. Bon, mais tiens, et bâtissons notre nation. Mais tu fais quoi, lui, là? Soyons unis, devenons frères. Comme les racines d'un banyan. Arrêtons de bourrer nos mères, sinon ce sera la révolution. Soyons unis de nos frères, sinon ça sera pas bon. Ah quoi, c'est ça aussi? Ah ben ils ont encore oublié de parler des vitamines. Non, on t'en fout, t'as fait des sous. Puis j'ai jamais fini cassé.